Un vélo. Deux mères. Trois tasses. Quatre fils. Cinq pêches. Six balles. Sept fèves. Huit niches. Neuf lacs. Dix cartables.